À l'occasion de la Journée internationale des personnes âgées de 2016, un séminaire a eu lieu le 29 septembre à la maison du corps diplomatique Taedonggang. Y ont pris part des cadres du comité central de la Fédération coréenne de la protection des personnes âgées et des unités intéressées et des méritants de la ville de Pyongyang, ainsi que des diplomates de divers pays et des membres des représentations du Fonds des Nations Unies pour la population, de l'Organisation mondiale de la santé et de la coopération de l'Union européenne en Corée. À la suite des interventions, on a présenté des personnes âgées coréennes qui ont encore de la vigueur malgré leurs âges grâce à la grande affection du maréchal Kim Jong-un et informé de la politique de protection de notre parti pour les personnes âgées et des succès et expériences obtenus dans son application ainsi que de l'orientation des futures activités. Les participants ont vu la représentation artistique et la création des tableaux de peinture des membres de l'Association culturelle et artistique des personnes âgées de Corée.